toi qui, ouvrant les yeux au matin de ton sommeil, j'attends cet instant merveilleux à toute aube de ton éveil. Toi qui viens te blottir, tes jambes soudées aux miennes, et je sens mon cœur défaillir alors que tu t'es fait mienne. Toi qui avec grâce te lèves, soulevant tes nippes un peu partout, je m'amuse sourire aux lèvres quand tu cherches tes dessous. Toi qui par-ci par-là éparpille des corantelles par terre fleurie, bouquets parfumés de jonquilles, pastelés d'une gamme de coloris. Toi qui fais couler l'eau chaude sur ton corps d'ivoire tout ruisselant, je te rejoins me sentant toute chose, te caressant, te savonnant. Toi qui te peignes et maquilles le doux visage enjolivé dans la glace agrandissant les pupilles de tes yeux marrons amandés. Toi qui me procures tant de plaisir, mon amour en pire en meilleur, déjà nous avons tant de souvenirs d'ici d'ailleurs tout en couleur. Toi qui, quand tu dévoiles m'offrant ton corps presque parfait, je remercie ma bonne étoile puis m'enfouis dans tes cheveux défaits. Toi qui le jour m'ensorcelle, ma source, ma biche, mon ange, la tête me tourne et je chancelle, côté jardin voltige les mésanges. Toi qui le soir m'enivre, ton parfum que follement je hume, toi ma passion, ma raison de vivre, bouillant de fièvre, je te consume. Toi qui me ravis de par tes charmes et tes regards aux superbes yeux, je me noierai dedans leurs larmes au goût tiède, salé si délicieux. Toi qui à mes côtés t'endors, ô toi ma femme je t'adore, que s'enflamment nos corps et nos âmes au-delà de la mort. Toi qui à mes côtés t'endors, ô toi ma femme je t'adore, et si l'amour est plus fort que la mort, il règne alors un silence d'or.